Le plus intelligent doit céder. Deux cavaliers se rencontrèrent un jour sur un chemin très étroit où tous deux ne pouvaient passer de front. L'un des deux devait donc céder la place à l'autre, mais tous deux s'entêtèrent et ils allèrent jusqu'à s'injurier. Enfin, l'un dit à l'autre: Écoute, je te conseille de me laisser passer. Sans cela, je te traiterai de la même façon que j'ai traité jadis un entêté qui me résistait. L'autre, effrayé de cette menace, laissa le chemin libre. Mais, comme le cavalier s'éloignait, il lui demanda ce qu'il lui aurait fait s'il n'avait pas voulu céder. Dis-moi, lui dit-il, que fis-tu à cet entêté qui te résistait? L'autre était très entêté, plus entêté encore que toi. Voyant que je ne pouvais rien obtenir de lui, je me décidai à le laisser passer.